France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 140. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 7 décembre 2008, 11h06. Bonjour à toi, l'ami! Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es partenaire du Téléthon. Et tu as fait le 36-37 pour envoyer tes dons. Mais attention, car j'espère que tu ne t'es pas gouré de numéro de téléphone. Monsieur Hortefeu, ça se passe bien? On en est à combien alors? 14 800 au dernier pointage. C'est pas évident, mais tout le monde est mobilisé pour la cause. Ah, Brice Hortefeu, j'écoute. Hein? 3 Chinois sans papier dans le 11e. Merci. Merci pour votre générosité. Le compteur continue à avancer grâce à vos appels. Merci. Oui, tu l'as bien compris, l'ami. Ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama modeste mais déjanté. Eh bien, dans l'ordre, nous commencerons par décrypter, entre autres, les dernières allégations du député Jean-François Copé, un jeune qui en veut, 36-15, je vais tout casser. Ensuite, hier, le 6 décembre, nous fêtions la Saint-Nicolas. Et du coup, nous nous sommes intéressés au curieux cadeau que le père Fouettard va refourguer aux petits Français pour Noël cette année. Et puis, ça y est, enfin c'est fait, c'est Miss Albigeois Midi-Pyrénées qui a été élue Miss France hier soir, et figure-toi que nos fantômes de l'INA se sont passionnés cette semaine pour cette élection essentielle. Contrairement aux salariés français qui, eux, une fois de plus, ont boudé les élections prud'homales, ce qui n'a pas empêché notre facétieux reporter d'aller faire le point, justement, avec Gérard Filoche, inspecteur du travail. Entre-temps, nous serons passés par Grosboule-les-Bains, où Monique et Jean-Claude se sont fait piéger par l'univers virtuel des consoles de jeux vidéo pour échapper à cette interminable guerre de récession. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission? Tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et lutte contre l'ennui car franchement, ces derniers jours de bête géant. Done. check it out. Jerk it out, autrement dit, remue-le par saccade. C'est le conseil offert ce matin à Martine Aubry par The Scissors. Car c'est vrai qu'après avoir littéralement squatté l'actu avec ses interminables querelles intestines, le Parti Socialiste est redevenu à faune, dis donc. Faudrait donc le remuer un peu, pépère, sans pour autant qu'il se mette à crier. Il s'agit d'une voix qui a été entendue. Dans cette grande épreuve que subit la caravane des hommes à travers l'histoire, il y a en effet, à certains moments, des mots qui sont articulés. Souvent, c'est dans un désert, dans une solitude. Ils n'ont pas été criés très fort. Ce ne sont pas des mots d'ordre, mais une certaine pureté en fait des maîtres mots. Bon. Après avoir découvert cette magnifique réflexion sur l'importance du poids des mots, qui n'a rien à voir avec le choc des photos, il est temps maintenant de te vautrer confortablement afin que nous amorcions ensemble les modestes aventures de ce 140e épisode du Mangin Palace. Alors, bien entendu, derrière moi, les cloches sonnent. Il est 11h12. C'est donc l'heure de notre petite messe freudienne, puisqu'inlassablement, avec Monsieur Divan Beaujolais, le fiefé sacripant de nos coursives, nous traquons chaque semaine l'inconscient du discours politico-médiatique. Ainsi, découvrons ensemble ce matin, entre autres, la punk attitude de Jean-François Copé et la cow-boy attitude de nos gardiens de la paix. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Une trentaine de milliards d'euros. Quelle est la priorité, l'urgence aujourd'hui ? Il ne faut pas avoir peur de tailler dans le vif sur tout ce qui est inefficace. Mais il y a toujours un contexte pour se mettre sur la gueule, j'ai jamais dit le contraire, seulement ça brasse tous les soirs. Par exemple, tout ce qui concerne la gestion des effectifs de la fonction publique. Ce n'est pas une équipe, ni une machine avec des petits rouages qui doivent s'emboîter. On est à un fonctionnaire sur deux qui n'est pas remplacé. Les métaphores, j'y crois pas. De l'ordre d'à peu près 50 000. Et je crois qu'il ne faut pas craindre d'aller le plus loin possible. C'est un business, c'est tout ce que c'est. Une affaire qui secoue le monde médiatique mais aussi politique depuis ce week-end, l'affaire Vittorio De Filippis. L'ex-directeur de la publication de Libération a été arrêté chez lui. Pas possible de traiter des innocents comme ça. De façon brutale, devant ses enfants, puis menotté. Vous entendrez parler de moi. Fouillé deux fois avant d'être présenté au juge d'instruction. Vous croyez m'intimider ? Je connais mes droits. Ta gueule, déshabille-toi. Tout cela pour une affaire de diffamation. Pour Rachida Dati, la procédure a été suivie à la lettre. Il s'agit d'une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction. Il y a la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer ce mandat d'amener. Remettez-vous, les gars, enfin, c'est une maman. Le gouvernement pourrait bien perdre patience et passer en force. C'est un accouchement. Avec l'article 49.3. Injection ! Puis-je brancher la tête du bébé au circuit ? Seulement si je fais une épisiotomie. D'accord, merci. Les débats n'en finissent pas à l'Assemblée nationale. Serviette ! Sur la réforme de l'audiovisuel. Montrez-le à la mer. Ah, si ça suffit. Mettez-la sous calmant. Jean-François Copé, le président du groupe UMP à l'Assemblée. Je vous salue, messieurs. Il nous manque un quatrième au squash aujourd'hui. Cela vous intéresse-t-il ? Non, pas aujourd'hui. Parle d'une guérilla ridicule. Le spectacle de l'opposition qui fait une obstruction de malade hyper agressive, qui pendant des heures lit des bouquins de Montesquieu au micro, enfin, des trucs qui n'ont rien à voir, ça ressemble à rien. Je vous verrai au club. Certains socialistes, comme Henri Emmanuelli... Ah, c'est sûr que c'est pas Jean-Louis rigolo, hein. ...revendiquent ouvertement cette stratégie, faute de mieux. Tout ce qu'on peut faire, c'est ça, oui. Une bataille à retardement, multiplier les amendements, les procédures d'objection. Et si ça se trouve, il dit jamais la même chose. On peut ralentir un débat, on peut l'envenimer, mais on ne peut pas changer l'issue du débat. Cette conversation ne vaut rien. Si tu dis son nom 5 fois en te regardant dans une glace, tu le verras apparaître derrière toi, le souffle sur ton corps. Tu veux qu'on essaie ? Le temps est venu. Soyez patient, ça va aller mieux. Pour tenter de relancer l'économie française affectée par les effets de la crise financière mondiale. Le chef de l'État a un plan. Cela consiste en quoi ? Nicolas Sarkozy a choisi Douai dans le Nord pour en révéler les détails. Alors notre réponse à la crise, et c'est un choix qu'avec le Premier ministre, le gouvernement... Oui, bon allez, enquille, allez. Et la majorité, c'est un choix que nous faisons... Suite, mon Dieu ! Notre réponse à la crise, c'est l'investissement. Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça ? Avant de se rendre à Douai, le chef de l'État avait fait savoir que son plan de relance s'articulerait autour de deux axes. L'automobile... Ouvrez tranquillement votre coffre. Et le bâtiment. Ah, il est un peu plein. Je vis dans ma voiture. Oui, les temps sont rudes. La redoutable machine économique du profit s'est effondrée et malgré l'annonce d'un plan de relance jeudi dernier, la bourse de Paris a encore chuté avant-hier. Alors évidemment, la fin de l'année approche, moment de magie pour les enfants, certes, mais toi, tu as la trouille, car tu sens que tu risques d'offrir à tes mômes un Noël tout pourri. Eh bien non, car figure-toi que depuis hier, le 6 décembre, devant l'ampleur de la crise, Saint-Nicolas a pris les choses en main. Et hier après-midi, dans un petit village proche de Nancy, crois-moi, tous les gamins avaient un large sourire lorsque son fabuleux cortège est arrivé. Convoyé sur un char illuminé, précédé de moines porteurs de torches, Saint-Nicolas et son contrepoids le père Fouettard ouvrent en Lorraine l'air enfantine. Alors qu'est-ce que t'es pas content ? Saint-Nicolas, laïquement adulé, parcourt les rues de ces bonnes villes lorraines entre deux haies admiratives et sous les lampions de ce mois de décembre, qualifié à présent ici de super mois. Écoutez, moi j'ai été élu par les Français pour trouver des solutions aux problèmes de la France. Omniprésent, inusable, Saint-Nicolas, patron de la Lorraine et des enfants, répandu à présent pour copie conforme à tous les rayons de jouets des marchands avisés, cristallise une fois l'an les largesses des parents et des municipalités et peuple de merveilleux les rêves enfantins. Dans ce petit village proche de Nancy, forcément tous les mômes étaient impatients de découvrir ce que venait leur offrir cette année Saint-Nicolas, le protecteur des enfants, des veuves et des gens faibles. D'ailleurs, c'est le village entier qui lui a réservé un accueil chaleureux. Grand Saint-Nicolas, arrête bien ton âne, la la la. Grand Saint-Nicolas, moi j'aime bien le chocolat, la la. Mais j'aime aussi bien ce croumasse pain, pain d'épices ou bien gâteau où tu colles ta photo. Quand nous trouverons la corbeille emplie de ces bonnes merveilles, tu seras déjà parti pour gâter d'autres petits. Oui, rassure-toi car en effet cette année, devant l'ampleur de la mouise, Saint-Nicolas a prévu de gâter tous les petits. Très bien, mais alors que trouve-t-on dans la merveilleuse corbeille de Saint-Nicolas cette année ? Eh bien, toujours dans ce petit village proche de Nancy, Saint-Nicolas, accompagné du père Fouettard et de quelques sbires, ont présenté hier après-midi le package national du panier garni à destination des mômes pour ce Noël 2008. Alors attention, premier cadeau, et là franchement, ça fait toujours plaisir, une jolie panoplie pour se déguiser. À Noël, découvre vite un cadeau pas comme les autres. Le coffret complet du petit délateur. Tu as peut-être dans ta classe un ou plusieurs petits camarades de couleur dont tu ne sais pas exactement s'ils ont le droit d'être en France. Avec le petit délateur, tu vas enfin pouvoir résoudre cette énigme. Prends discrètement en photo ton ou tes camarades de couleur avec l'appareil fourni dans le coffret. Ça y est, tu as tiré tes photos avec l'imprimante. Alors choisis vite une jolie feuille de papier à lettres et écris de ta plus belle plume les noms, prénoms et adresses de tes petits camarades de couleur. Ensuite, c'est simple, tu n'as plus qu'à glisser le tout dans l'enveloppe fournie dans la boîte de jeu. Et hop, dans la boîte aux lettres. Grâce à toi, Brice Hortefeux pourra vérifier si tes camarades ont des papiers et s'ils n'en ont pas, il les renverra tout de suite dans leur pays. Cool, non ? Le petit délateur, un jeu éducatif pour apprendre à être un bon citoyen. Oh là ! Les parents furent un peu surpris par ce premier cadeau proposé bien sûr par le père Fouettard, enfin Brice Hortefeux quoi. Ensuite est arrivée la mère Noël, qui elle a prévu cette année un cadeau plutôt pour les adolescents, en gros disons pour tous les gamins qui ont plus de 12 ans. C'est le seuil qui a été recommandé en février 2007 par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Il correspond à la moyenne de ce qu'appliquent nos pays voisins. Il faut savoir qu'en Angleterre, c'est 10 ans. Aux Pays-Bas, c'est 12 ans. En Allemagne, c'est 14 ans, comme en Espagne et en Italie. Alors dire qu'un mineur d'aujourd'hui peut justifier une sanction pénale à partir de 12 ans me semble simplement correspondre au bon sens. Tu l'imaginais comme ça, toi ? Dès qu'elle ouvre la bouche, j'ai l'impression de recevoir un coup de pied au cul. Bien sûr, une fois découvert ce deuxième cadeau, t'imagines bien que ces gamins de Lorraine étaient un peu pétrifiés. D'autant qu'est arrivée la fée Michel, qui, elle, leur a proposé un troisième cadeau, un étrange jeu de société. Les enfants, cours de mathématiques. Sacha, combien y a-t-il de policiers dans la classe ? 24. Très bien. Biologie maintenant. Liam, combien les bergers allemands ont-ils dedans ? 42, madame. Forcément, dans ce petit village proche de Nancy, l'ambiance commençait sérieusement à se détériorer devant cette curieuse équipe qui entoure Saint-Nicolas. Aiment-ils vraiment les enfants ? Se sont interrogés les parents. D'ailleurs, les plus jeunes commençaient à pleurer et à geindre. C'est alors que la fée Rachida s'est approchée d'une gamine de 3 ans, qu'elle trouvait suspecte. Toi ! Je n'ai pas bougé. Oui, c'est toi. Comment est-ce qu'elle aurait pu le faire alors qu'elle était assise à sa place ? Toi, jetez à l'œil. D'ailleurs, tous autant que vous êtes, je vous attends au tournant. Quand vous courez au vestiaire pour aller chercher vos petits manteaux puants, quand vous gambadez vers le réfectoire, je vous ai à l'œil. Oui, vous tous, et en particulier toi. Pauvre enfant, accusée dès 3 ans d'être une éventuelle délinquante, la môme fut bien entendu traumatisée hier après-midi. L'ambiance devenait réellement insupportable et dans la foulée, le maire de ce petit village proche de Nancy a alors tenté de calmer le jeu en rappelant à Saint-Nicolas et à toute son équipe des choses essentielles. La jeunesse est insolente, turbulente, mais souvenez-vous, vous les gens devenus sages, qu'à notre âge, vous étiez comme nous, tout comme nous pressés de vivre et de suivre le chemin, le bourgeois. Alors pourquoi jeter la pierre ? Laissez faire, tout ça se calmera. Alléluia ! Ainsi, devant la popularité des propos du maire de ce petit village proche de Nancy, et surtout pour apaiser ses enfants effrayés par ces étranges cadeaux de Noël, c'est Brice Hortefeux lui-même, enfin le père Fouettard quoi, qui a tenté de noyer le poisson en proposant de réconcilier tout le monde avec un cadeau de Noël traditionnel et très simple. Il y a pourtant une tradition, une seule, petite rikiki à l'époque de Noël, qui me paraît avoir un impact très fort. Le baiser sous les guilles. Alors approche et embrassons-nous, Chouville. Oui. Vers 17h hier après-midi, ce fut la panique dans ce petit village proche de Nancy quand le père Fouettard a tenté d'embrasser tous les mômes. Tu m'étonnes. Résultat, en catastrophe, tout le monde s'est réfugié chez soi, laissant en plan sur le parvis de l'hôtel de ville le merveilleux cortège de Saint-Nicolas et ses sbires. Hier soir, une fois les enfants calmés, tous les parents de ce petit village proche de Nancy se sont réunis dans la salle des fêtes car ils s'inquiètent d'une société dans laquelle l'équipe de Saint-Nicolas s'attaque désormais directement aux enfants. Prison dès 12 ans, dépistage de la délinquance dès 3 ans, expulsion des mômes sans papier, descente de police avec berger allemand dans une classe de collège. Eh ben, vivement que le vrai Père Noël se pointe. Au moins, lui, il aime tous les mômes sans aucune distinction, comme la Légion aime son légionnaire. Aime-toi comme la Légion aime le légionnaire. Aime-moi comme le château de sable aime la mer. Aime-toi comme le taureau aime la corrida. Aime-moi comme le soleil aime le ciel. tu m'aimes. Je t'aime aussi. Oh, aime-moi. Aujourd'hui. Aime-toi comme les bijoux de la Castafiore. Comme les impôts aiment le trésor. Aime-toi comme Jean Cocteau aime Jean Marais. Aime-moi comme le soleil aime la mer. Si tu m'aimes, c'est la rengaine que nous sert Arthur H. Parce que si tu aimes Noël, tu sais bien que ce n'est pas la période des amours entre la nature et les haches. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime, ta verdure. Alors, après avoir découvert en avant-première les cadeaux empoisonnés que notre Saint Nicolas Fouettard est en train de concocter pour les petits-enfants, la panique au Mangin Palace ouvre maintenant à 11h27 sa curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, bien entendu, tu étais scotché hier soir devant ta télé pour cet événement culturel incontournable, le choix de la nouvelle Miss France, Miss Albigeois Midi-Pyrénées. Et sache que dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, les voix des archives ont vécu intensément la préparation de cette élection. Alors, écoutons avec attention ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives entre ses vieilles bandes et ses antiques bobines. Tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, les voix masculines étaient en émoi. Car dès samedi soir, la Miss France nouvelle allait arriver. Et pour passer le temps, en attendant, on jouait au tiercé. Hurra, Ulrich et une du pavillon, c'est la combinaison gagnante du tiercé d'aujourd'hui à Vincennes, en chiffres le 1, le 14 et le 6. Et cette autre combinaison gagnante, 90, 63, 92. Mais celle-ci n'intéresse pas les turfistes, c'est celle des mensurations de la nouvelle Miss France 69, une Alsacienne brune aux yeux verts de 17 ans. Elle mesure 1m73 en hauteur et 85, 60, 85 en, disons, en rondeur. Oui, ben oui, on l'a présenté d'une façon purement chiffrée. En effet, c'est très astucieux ce que vous me dites là. Elle mesure 1m69, elle pèse 54 kg, elle a un tour de taille de 50 cm, son tour de poitrine fait 89 cm et elle mange des nouilles. Ça laisse rêver. Énervée par ses commentaires, une candidate appelée Olga a décidé de se venger. Oh là là, je suis belle. Oh, c'est sexy. Oh. Il y a des garçons dans la salle? J'aime pas les garçons. C'est nul. Non, c'est tout pourri, j'aime pas. Alors, pour éloigner les garçons, Olga a voulu changer d'apparence grâce à une nouvelle technique, la chirurgie inesthétique. On lui conseilla le docteur Wolf, qui, en la matière, avait déjà fait ses preuves. Wolf produit le monstre qu'il veut, il produit à volonté des poussins cyclopes, des poussins sans bec, des poussins sans queue, des poussins à ailes soudées, en dardant un petit faisceau de rayon X sur tel ou tel territoire de l'embryon. Pour commencer, Olga raconta au docteur les raisons profondes de son désir de s'en les dire. Mais avec mes petits copains de village, lorsque j'ai été élue, ils se battaient pour sortir avec moi, pour montrer aux autres, tu vois, je sors avec Miss Plage et tu vois, c'est moi le roi, le chef. Bon, et puis ça a fait des histoires, des bagarres, et puis c'était terrible. Alors je voulais plus sortir, ça fait que ça m'a un peu cloisonnée, emprisonnée chez moi, chez mes parents. Touché par cette histoire, le docteur Wolf accepta d'opérer Olga. Et il interrogea ses confrères pour trouver la méthode adaptée à cette étrange expérience. Et est-ce qu'on n'arrive pas justement à produire des monstres autrement que par des méthodes de rayons X, mais par des substances chimiques? Je crois qu'on y est déjà arrivé. Oui, parfaitement. Le professeur Ansel, qui est le créateur justement de cette méthode de production des monstres, c'est ce qu'il appelle la chimiothératogénèse, et il produit lui aussi des monstruosités à volonté. Et l'opération eut lieu. Eh bien, Olga, vous voilà entièrement verte. Vous avez des ongles verts, vous avez la peau des bras et des épaules vertes, vous avez les lèvres vertes, les paupières vertes, et les oreilles vertes. Ça doit être vraiment très impressionnant à voir. Vous êtes très impressionnant, je dois dire. Je crois. Qu'est-ce que vous allez être, plutôt ? Je vais représenter un arbre. Vous serez la femme arbre. Je serai la femme arbre. Il y a un certain temps que votre supplice dure, je crois. Hein ? Ça a duré tout de même un certain temps. Et ce n'est pas fini. Mais c'est amusant, c'est drôle. Et Olga remporta l'élection. Miss Femme Arbre 2008 avait enfin trouvé un public à sa mesure. Oh, bonsoir à tous. Bonsoir. Ah, super. Je suis ravie de vous voir, hein, je vous le dis, ça me fait super plaisir, vraiment. Par contre, pour vous, j'imagine que ça ne doit pas être facile, hein, de me voir en vrai, comme ça. Ah, si, je sais ce que vous dites. Mon Dieu, qu'elle est belle. Évidemment. Bon, là, évidemment, c'est peut-être pas flagrant, oui, c'est possible. Oui, non, c'est parce que j'ai mon costume de comique. C'est pour ça, je me suis mochisée, là, j'ai fait exprès. Voilà, bah oui, pour me rapprocher de vous, hein, tout simplement. Ah bah, on m'a dit, sois proche de ton public, alors je m'adapte. Merci Flora Bernard pour cette exploration temporelle au cœur de l'INA, où là aussi, les Miss restent un mystérieux objet de curiosité archaïque et phallocratique, comme la persistance de l'incongruité d'un autre temps. Alors, pour regagner la réalité, il est grand temps de retrouver nos actualités locales. Et voici donc notre décrochage régional. Direction Grosboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h32, nous rejoignons Grosboul-les-Bains pour suivre le quotidien de nos deux héros, à savoir Jean-Claude, le Game Boy, et Monique, Lara Croft, qui cette semaine, face à la guerre de récession, se consolent comme ils peuvent, et surtout, ils se consolent de jeux, car en effet, alors que Monique et Jean-Claude étaient en train de remplir soigneusement leurs lettres au Père Noël, Jean-Claude a soudainement avoué à sa dulcinée combien il était inquiet face à la crise. Comme bien d'autres, je me demande où va ma vie. Souvent je pense, heureusement qu'il y a toi. Tu ne changes pas, tu as toujours la même tête. Toi, tu ne changes pas, tu es comme le fruit des allumettes. Toi, tu ne bouges pas, tout passe dessus de ta tête. Toi, tu es comme moi, on est comme le fruit des allumettes. Oui, Monique et Jean-Claude ne changent pas comme le prix des allumettes. Et Jean-Claude est très fier, justement, d'annoncer à Monique que grâce aux allumettes, il a trouvé un hobby dans l'air du temps, c'est-à-dire un loisir qui l'occupe sans le ruiner, à savoir la réalisation de minutieuses maquettes en allumettes, tout un univers. Alors, c'est tout un univers, évidemment. Je vais essayer d'être concis et rigoureux. Donc, cette maquette, c'est 28 642 heures de travail. Faut être motivé. C'est aussi 230 hectolitres de colle, mais surtout, et j'insiste là-dessus, un gros paquet de tendresse. De la patience, de la concentration, mais aussi de la solitude, hein. Forcément, ce serait salaud de vous le cacher, il n'y a plus de vie sociale, hein. Mais c'est beaucoup, beaucoup de satisfaction, même si cette voiture ne roule pas, puisque ça reste une maquette. Alors par contre, il y a un truc qu'il faut bien savoir, qu'il faut bien intégrer, je vais être très très franc avec vous, parce que tout n'est pas rose dans l'univers de la maquette, hein, faut pas rêver non plus, c'est comme partout, c'est que quand la maquette est finie, on est content, mais la maquette est finie, malheureusement. Donc on se chope les boules, c'est le grand vide, c'est le véritable trou noir. C'est un peu le même effet que quand on a fini un gros livre de mots croisés. Finir un gros livre de mots croisés, c'est tout de même moins excitant que de croiser un gros livre de mots diano. Cela dit, Jean-Claude est totalement émoustillé à l'idée de montrer à son fils Rémi sa sublime maquette en allumettes. Mais hélas, c'est à peine si le môme daigne jeter un coup d'œil sur le chef-d'œuvre de son daron. En effet, Rémi est totalement absorbé par l'écran de son ordinateur. Évidemment, Jean-Claude l'interroge. C'est quoi, un jeu vidéo ? C'est un MMORPG. Je joue avec de vrais gens qui sont connectés, tu vois. Je suis un chasseur de niveau 2. Je peux parler avec les autres joueurs. Je peux même faire un signe à ce mec si je veux. Coucou ! Dans ce monde, je suis Falcorn, un défenseur de l'Alliance. J'ai traversé les mines de Fargo Deep et vaincu le poisson vorace des plaines de Jérôme. On dirait que ce mec vient de te tuer, non ? Et en effet, Rémi vient de se faire virtuellement buter et il est hyper furax d'avoir été dérangé. Jean-Claude s'en excuse aussitôt car lui aussi, par le passé, il a pu connaître des émotions intenses devant un écran et un clavier. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots sont voix qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui me répondra ok pour un rendez-vous. Elle me répondra ok pour un rendez-vous. Jean-Claude a les yeux qui pétillent en se remémorant ces instants sublimes passés avec... Oui, c'était bien maman, explique Jean-Claude à Rémi. Mais le môme annonce alors à son père que c'est toujours la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, on cherche des sensations félines sur les chats. Car Rémi reste très lucide. Les années passent, mais les attentes restent les mêmes. D'ailleurs, lui aussi, quand il va sur l'internet, c'est parfois pour faire un copier-coller pour l'exposé d'Histoire Géo. Ou alors, c'est pour vivre des aventures dans les jeux vidéo. Mais c'est aussi pour rencontrer de nouveaux amis et élargir son réseau. Et pour Rémi, c'est un peu comme pour son père il y a 20 ans. Je suis un être à la recherche. Une bonne dose de savoir-faire, c'est ce que Jean-Claude décide d'acquérir pour enrichir ses loisirs. Et c'est pourquoi il décide de balancer ses maquettes pour se lancer dans l'aventure des jeux vidéo. Jean-Claude se cale donc devant l'écran de sa console de jeu. Bonjour Jean-Claude de Gros Boule les Bains. Es-tu prêt à affronter un monde encore plus virtuel qu'une relance économique sarkozienne ? Nous allons jouer ensemble. Jean-Claude est éberlué des progrès de la technologie. Ainsi, il passe sa journée devant des jeux vidéo et le soir même, Jean-Claude est très fier de montrer à Rémi et à Monique à quel point il a progressé. Alors regardez, je l'insère dans le boîtier, hein, et ensuite je rentre dans le jeu en avant pour la Bosnie. Allez, je vais prendre la fonction casque bleu, comme ça je suis invulnérable et je peux tirer sur les civils. Allez, en avant la Bosnie. Vous serez surpris de constater que malgré le fossé de la langue, un regard ou un hochement de tête suffisent à amorcer le dialogue. Oh, des schtroumpfs de l'ONU. Oh, oh. Tenez, tenez, je distribue des plombs. Oh mon Dieu, que c'est grisant. Oh, bonjour, joli vendeur. Comme ton échoppe est bien achalandée. Qu'est-ce que c'est, du poulet ? Ah, ah, mon Dieu, quelle violence, mon Dieu. Ah, ah, aïe. Oh, tricheur. Tricheur. Jean-Claude vient donc de se faire dégommer la tronche alors qu'il pensait maîtriser le jeu vidéo. Mais peu importe, il est hypnotisé par sa console de jeu et il y passera la nuit s'il le faut, au grand désespoir de Monique. Je suis seul ce soir avec mes rêves. Je suis seul ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Tout se brise dans mon cœur lourd pour notre Monique qui voit son Jean-Claude lui échapper tant il est absorbé par sa console de jeux vidéo. Ainsi, en plein cœur de la nuit, Jean-Claude est toujours scotché devant son écran à tel point que même la console s'en rend compte, se rend compte de l'incongruité de cette situation et décide d'intervenir. Jean-Claude, tu devrais t'occuper un peu plus de Monique. Elle est toute seule ce soir, dans son grand lit glacé. Jean-Claude n'en revient pas. Bon, oui, d'accord, il veut bien s'occuper de Monique, mais comment faire ? Mais comment faire ? Comment lui dire ? Comment lui faire voir ma planète artificielle ? Mais comment faire ? Comment lui dire ? Comment lui faire croire que je changerai le bleu du ciel ? Je vis dans un monde. C'est bien que tu finiras par te détendre, toi qui préfères les pieds sur terre. Mais je ne sais pas si tu finiras par te détendre. Dans ta tête, c'est la fête des nerfs. Moi qui vis dans un monde virtuel. Le monde virtuel dans lequel s'est plongé Jean-Claude lui donne l'illusion de pouvoir s'échapper du réel. Alors Jean-Claude décide de faire ce qui lui paraît le plus raisonnable, convaincre Monique de le rejoindre dans ce monde virtuel. J'ai encore de l'énergie. Laisse-moi, nous avons échoué. Nous échouerons si nous baissons les bras. Allez, viens, regarde, le mur. Tu m'as réactivé. Oh, comment ? Pourquoi m'as-tu réactivé ? Sans toi, je suis perdu. Viens. Sans toi, je suis perdu. Cet aveu de Jean-Claude ravit tout autant Monique que la console de jeu à qui nous laissons le mot de la fin de cette histoire virtuelle. Jean-Claude et Monique, ils ne changent pas, ils sont comme le prix des allumettes mais surtout comme les allumettes. Monique et Jean-Claude s'enflamment quand ils se frottent. I've always known since I was a young boy. In this world, everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word. And I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me. It's everything I long to be. And lies, they only stop me from feeling free. Oh, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Oh, oh, like a hobo, autrement dit comme un vagabond. C'est ainsi que se définit cet hiver Charles Winston. Mais bon, rassure-toi, car cet hiver, désormais seuls les volontaires seront vagabonds puisque le droit au logement opposable est entré en vigueur cette semaine. Dorénavant, tout le monde peut exiger un logement décent. Soyez patient, ça va aller mieux. Et quand ? Pas d'informations précises à ce sujet. À mon avis, c'est pas pour après-demain. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h43, il est l'heure de retrouver notre petit reportage Made in Panic, consacré ce matin aux élections prud'homales. En effet, cette semaine, notre facétieux reporter, M. Julien Dugaste, s'est intéressé à cette juridiction dont les prémices datent de 1296, année où le Conseil de la ville de Paris créa 24 prud'hommes chargés d'assister le prévôt des marchands afin de juger en dernier ressort les contestations qui pouvaient s'élever entre les commerçants et les fabricants qui fréquentaient les foires et les marchés. Et mercredi dernier, tous les salariés pouvaient aller voter pour élire leurs représentants au Conseil des prud'hommes. Le résultat n'est pas brillant, 75% d'abstention. Cela dit, pourquoi notre spécialiste du luxe s'est-il penché sur le Conseil des prud'hommes ? Eh bien parce qu'il défend tes intérêts et qu'il peut te rapporter gros. Ainsi, découvrons immédiatement, après la virgule, pourquoi les prud'hommes nous sont indispensables. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? J'espère que tu l'as remarqué. Mercredi était un jour important pour tout salarié qui se respecte. Il était temps pour toi, l'ami, de voter pour les prud'hommes. Seulement voilà, c'est pas simple hein, ce truc. Moi j'ai ouvert tous mes petits papiers. Nulle part il est indiqué où on peut voter. Ah oui, mais c'est toujours le même problème. L'inscription qui est insuffisante. Il y a beaucoup trop d'erreurs. Ça n'est pas fait avec une rigueur et une préparation suffisante. Ensuite, de l'information sur les lieux de vote, les conditions dans lesquelles on votait. On peut voter. C'est pour ça que sur 19 millions d'électeurs, il y en a 4, 5 ou 6 millions qui y vont. Si c'était traité comme une élection sérieuse par les pouvoirs publics, si c'était traité comme une élection importante par les grands médias, alors à ce moment-là, bah, on résoudrait le problème et il y aurait 10 ou 15 millions de personnes qui auraient voté, qui iraient voter sur 19 millions. Mais je capte rien. Devriez vous y intéresser, mon garçon. L'affaire est d'importance. Ah bon? Ah ouais, vous avez peut-être raison, hein, boss. Hein. Mais à votre avis, il faut voter pour qui? Je vous le dirai volontiers, mais l'endroit ne s'y prête guère. Ah bon? Ouais, on a décidé de plus parler politique dans l'entreprise depuis quelques temps déjà. Les gens ne savent pas que, par exemple, les chômeurs ont le droit de voter. Les gens ne savent pas que les immigrés ont le droit de voter. Les gens ne savent pas qu'on peut voter à partir de l'âge de 16 ans. Les gens savent peu qu'on peut sortir de son entreprise, aller voter et ne pas perdre de salaire. Et ça fait beaucoup d'arguments pour que les gens pourtant n'aillent pas voter alors qu'ils en ont le droit. Et donc le fait qu'il y ait quoi, 4 millions et demi de salariés qui aillent voter quand même pour les syndicats, eh ben, comme on dit, la bouteille est à moitié pleine, à moitié vide, c'est pas mal qu'il y en ait tant. Mais j'aimerais mieux, bien sûr, qu'il y en ait beaucoup plus. Et Gérard Filoche sait de quoi il parle. Membre de la direction nationale du Parti Socialiste, Monsieur Filoche est avant tout inspecteur du travail. Le principal délit, c'est les heures supplémentaires impayées. Hein, on peut estimer probablement que dans ce pays, une heure supplémentaire sur deux est totalement impayée, ne figure pas sur le bulletin de paye, n'est donc pas cotisée et n'est donc pas majorée. Pourtant, vous avez parlé de la valorisation des heures supplémentaires. Nicolas Sarkozy, notamment, avait mis ça en avant dans son programme électoral. Mais qui peut croire ça une seconde sans être dupe dans ce pays? En été 2007, Nicolas Sarkozy dit « je vais faire des heures supplémentaires, je les valorise ». En été 2008, il fait passer une loi qui dit « on peut permettre de déroger dans les entreprises aux heures supplémentaires et ne pas les majorer ». Ça n'a pas été relevé, ce tétaqueux splendide et ce mensonge considérable. J'en ai rien à secouer. T'es viré, mec! T'es viré! Dehors! Get out! Tu vois ce bâton, vieux, hein? Voilà, mais je vais le mettre dans ta grosse gueule! Tiens! Ta grosse gueule! Ta gueule! Est-ce qu'on peut dire que les prud'hommes sont en danger en France? Oui, bien sûr, ils sont en danger. Le programme du MEDEF est simple, il voudrait les supprimer. Madame Laurence Parisot explique en substance que ça insécurise les employeurs. C'est la guerre, Jérôme! C'est eux ou c'est toi? C'est manger ou être mangé? Eat or to be eat. That's the question. Right? T'es pas ici pour les plaindre ou pour leur dire qu'ils sont dans la merde. T'es ici pour leur vendre de la merde et les féliciter d'avoir choisi la reliure, ok? Sinon, tu te casses. Finalement, quand un employeur il a volé un salarié en lui payant pas ses heures supplémentaires, eh bien les prud'hommes peuvent donner raison aux salariés. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Eh oui, le Conseil des prud'hommes demeure une juridiction indispensable aux salariés. On ne le répétera jamais assez. Mais pour mieux saisir encore cette réalité, rien de tel qu'une bonne illustration sonore. Alors imaginons un monde sans prud'hommes. Eh bien voici comment un patron gérerait une crise avec ses salariés. Quand je vous explique un peu la règle du jeu. Bon, ça n'a rien de comique, croyez-le bien. Il faut en effet que je me sépare de 4 d'entre vous. Eh oui. Les bons résultats ne sont qu'une façade. L'agence traverse une crise, provisoire, je l'espère, mais douloureuse quand même. Vous êtes trop bien payés, messieurs, dames. Eh oui, les salaires ont grimpé, par ma faute, par la vôtre, je sais pas, je veux pas le savoir. En tout cas, le courage me manque pour désigner comme ça brutalement 4 victimes. Alors j'ai décidé de faire ça sous forme de jeu. Les chaises musicales, je suppose que tout le monde connaît ça. Vous savez, si, on fait tourner des gens autour d'une table, et au signal de l'arbitre, les gens s'arrêtent de tourner. Ils n'ont plus qu'à s'asseoir. Seulement pour 8 joueurs, par exemple, on dispose uniquement 7 chaises autour de la table. Vous voyez le principe? Pour 7, 6, pour 6, 5.

D'un coup, c'est compliqué le bon sens. Tenez un autre exemple cette semaine de la difficulté d'utiliser la notion de bon sens dans le couple. Ça se passe encore aux États-Unis, à Chicago cette fois, où la petite Mélodie, 28 ans, et le petit Claude Daniel, 30 ans, viennent d'échanger leur premier bisou devant l'hôtel où ils viennent de se marier. En effet, Mélodie Loulas et Claude Daniel Fabien prônent à fond les vertus de l'abstinence avant le mariage. Rien, pas même un béco, nada, abstinence totale. Bon, chacun pense ce qu'il en veut, mais là, moi, d'un coup, je me dis, le bon sens de ces petits intégristes de la fesse ne va pas convenir totalement à Madame le ministre. Oui, chacun son bon sens, attention. Alors, c'est ce que nous apprenait aussi le Bien Public, le quotidien bourguignon, parce que, justement, Rachida Dati, l'apôtre du bon sens, était de passage à Dijon. Et elle aurait pu profiter de l'occasion pour aller discuter un peu avec les salariés d'Amora, à qui l'on a annoncé la fermeture de leur usine de moutarde. Mmh. Bah oui, parce que pour le patronat en ce moment, le bon sens, c'est celui de la délocalisation. La vinaigrette est partie en République tchèque, la mayonnaise risque de filer en Espagne et le ketchup, c'est pour la Pologne. Alors bon, comme le groupe Unilever, qui appartient à Amora, profite des 20 à 30 millions d'euros de bénéfices que fait Amora, à Dijon, on a vraiment du mal à comprendre le bon sens des 300 licenciements prévus. Eh oui, on le sait tous, il faut se méfier du bon sens. Autre exemple, c'est ce qu'a vécu cette semaine Ileana Ross-Leitinen, qui vient d'être élue représentante de la Floride. C'est le Miami Herald qui nous raconte ça. Ouais, j'ai lu à fond toute la presse de Floride cette semaine. C'est des journaux incroyables. Ah, j'adore. Eh bien, l'autre jour, Ileana était tranquille à son bureau quand soudain, le téléphone sonne. Non, ce n'est pas Alain Bédoué. Alain Bédoué, c'était un type qui disait être Barack Obama, qui l'appelait pour la féliciter pour sa réélection. Alors évidemment, elle comprend la blague, elle lui raccroche au nez, après avoir précisé qu'il était un bien meilleur imitateur que celui de l'émission Saturday Night Live. Bon, bien entendu, vous l'avez compris, c'était le vrai Obama et le nouveau président a excusé la représentante républicaine en disant qu'il comprenait très bien qu'elle puisse être méfiante. Bon, moi j'aurais tendance à dire qu'elle l'avait parfaitement reconnu, mais qu'Ileana n'avait pas digéré la défaite de son candidat et que plus qu'une vraie incrédule, en fait, c'était une fausse sceptique. Alors moi, ces histoires de bon sens, Philippe, ça m'a surtout rappelé ce que le sociologue Pierre Bourdieu disait des persuasions clandestines. La plus implacable est celle qui est exercée tout simplement dans l'ordre des choses. Et oui, quand on arrive à faire entrer dans le crâne des gens que ce que l'on fait est dans l'ordre des choses, alors tout est fastoche. Donc, le bon sens, quand un responsable politique dit le mot « évidence », c'est de penser « méfiance ». Et comme il est très tard et qu'on a bien entamé les 5 dernières minutes de l'émission, moi je dis « bon sens », mais c'est pas sûr. Merci, monsieur Maudit, vous étiez très en forme ce matin. À la semaine prochaine, cher ami, le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 140e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était Panique, nouvelle version, revue et corrigée par la bande de furieux du Mange à Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter, pour de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Mange à Palace est une émission coécrite, c'est les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier, aux platines, au montage et à la réalisation. Il y avait bien sûr le maestro H2M Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Cédric Lalanne et de Pascal Baldassari. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour toute la documentation et la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaujolais et Marie Berthoumieux. Pour les Scud et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin au formidable documentaliste de l'INA. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris et sa recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi prochain à 11h pour le ministère psychique et en direct dimanche, toujours à 11h sur France Inter, pour un nouvel épisode du Mangin Palace. Mais en attendant, d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.